Dis-moi, s'il y a beaucoup de gars que t'aimerais avoir toujours près de toi, qui tu peux appeler tes amis, tes frères, poteaux. De toute façon, une carte complice, c'est toi qui trouves le mot. Ils sont toujours bienvenus dans ta maison. Ceux que tu connais par cœur, le numéro de téléphone avec qui tu partages tes bonheurs et tes malheurs. Et un bout de shit pour ne plus connaître l'heure. Qui sont de ton avis et tes valeurs. Qui sont toujours avec toi parce que t'es un des leurs. Ceux qui sont pour la vie et pas ceux qui sont pour une heure. Tes paroles, quand tu es défoncé vers n'importe qui, il paraît que tu as du respect. Appelé de la première cuite, mon frère. Mais tu retrouves personne quand tu deviens plus clair. C'est pas mes affaires, c'est à toi de décider avec qui est ton cœur et tes pensées. Dis-moi si je rêve ou c'est la réalité. Comment je fais les visages de mes amis pour oublier après autant d'années. Après autant d'années, avec qui est mon cœur et mes pensées. Dis-moi, y'a combien de personnes sur qui tu peux vraiment compter? Une fois dans la merde, combien viendront t'aider? Les faux, les vrais, c'est comme ça qu'on les reconnaît. La confiance, ça s'obtient en même temps que le respect. Les amis, la famille, c'est tout ce qui compte dans la vie. Trouver quelqu'un sur qui compter quand t'as trop d'ennuis. Trop de soucis quand tu demandes pourquoi tu vis. Ton meilleur ami, c'est la lumière au bout de la nuit. Sur qui je peux compter, sur qui je peux vraiment me fier. En qui je pourrais avoir confiance, même les yeux fermés. Un ami, c'est dur à trouver, c'est dur à garder. Combien te trahissent et combien s'en sont allés. À jamais, pour l'éternité, dure fatalité à réaliser. La mort d'un proche te force à voir la réalité en face. Perdre une amie, c'est comme perdre une partie de soi-même. Te retrouvant les larmes aux yeux en implorant l'éternel. En espérant qu'il te reste une étincelle de vie. Dans ceux qui ont foi et triste, avec qui j'ai grandi. La mort a fait une victime et le juge reste crime. Pourquoi c'est toujours les meilleurs qui partent en premier? Ceux qu'on aime le plus qui nous ont laissé tomber. Qui nous ont laissé tomber. Dis-moi si je rêve ou c'est la réalité. Comment je fais les visages de mes amis pour oublier après autant d'années. Après autant d'années, avec qui est mon cœur et mes pensées. Je suis trop jeune, j'ai que 19 à saisir. Mais j'ai quoi me souvenir et franchement ça fait plaisir. Mes gens ici et là-bas, mes gens loin près de moi. Moi j'ai changé, les gens sont différents. Je m'en souviens de beaucoup de choses quand on apprend sur les erreurs. J'ai essayé tout le monde, mais je savais que je vis pour eux. Avec les petits problèmes et les problèmes de tol. C'est important de savoir que t'es pas tout seul. Quand j'étais au bout, quand j'ai failli glisser, ils m'ont donné la main, ils m'ont pas laissé tomber. Maintenant je sais que sont les vraies valeurs. Avec qui sont mes pensées et mon cœur. Dis-moi si je rêve ou c'est la réalité. Comment je fais les visages de mes amis pour oublier après autant d'années. Après autant d'années, avec qui est mon cœur et mes pensées. Pour nos frères et nos potos, c'est pour vous qu'on a écrit ces mots. Dédicace à nos amis, à certains qui sont partis. Les vertis, c'est pour la vie. Ouais.